إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Nous en sommes au cours numéro 32 des explications des Arba'in Nawawiya, et nous sommes à l'avant-dernier cours, inshallah, des explications du hadith numéro 2, des explications du hadith numéro 2, le hadith de Jibril, alayhi salam. Donc nous allons continuer, inshallah, la suite avec les explications de Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Donc il dit le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, ثم إن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم اخبرني عن الإحسان والإحسان هو المرتبة العليا ومعنى الإحسان إتقان الشيء وإتمامه قال تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه. Donc il dit le Cheikh Salih al-Fawzan حفظه الله. Puis جبريل عليه السلام questionna donc le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم et lui demanda « Informe-moi sur l'ihsan, sur l'excellence. » Et l'ihsan, c'est-à-dire l'excellence, c'est le plus haut niveau. Parce qu'on avait vu l'islam, on a vu l'iman, et le plus haut niveau, l'ihsan. Donc l'excellence. Et le sens de l'ihsan, de l'excellence, c'est « itqan ush-shay ». C'est-à-dire parfaire une chose et le faire bien et complètement. Qala ta'ala, Allah le Très-Haut a dit, alladhi ahsana kulla shay'in khalaqah, celui, dans la traduction du sens du verset 7 de Sourate Sajda, celui qui a bien fait tout ce qu'il a créé. Wa ihsanul amal itmamuhu wa itqanuhu. Et le fait de bien faire une œuvre, c'est la parfaire, la faire complètement. D'accord ? La faire complètement et parfaitement. Wa ihsanu san'ati itmamuha wa itqanuha. Wa li hadha yaqulun anta tuhsinu kadha aw la tuhsin. Ya'ni hal ta'rifu hadha ash-shay tamaman aw annaka la ta'rifuhu. Donc ensuite il dit le Cheikh Hafidhahullah, il dit donc parfaire une œuvre, d'accord, c'est la compléter, c'est-à-dire bien faire une œuvre, c'est la yani la compléter et la faire le plus correctement possible et le plus parfaitement. D'accord, et puis parfaire, donc avoir une c'est-à-dire être expert, d'accord, dans un domaine, c'est c'est pour ça qu'on dit, yani, c'est parfaire une chose en ayant cette expertise-là, c'est-à-dire vraiment, c'est-à-dire faire le plus correctement possible. C'est pour cela qu'il est demandé, est-ce que tu sais bien faire telle ou telle chose, c'est-à-dire est-ce que tu connais cette chose-là, est-ce que tu connais cette chose-là complètement, parfaitement, ou bien tu ne la connais pas. والإحسان يكون بين العبد وبين ربه بعبادة الله وحده لا شريك له. Et l'excellence, c'est entre le serviteur et son seigneur. L'excellence, l'ihsan, c'est entre le serviteur et son seigneur dans l'adoration qu'il voue à Allah seul, sans rien lui associer. ويكون الإحسان بين الناس بالصدقة والمعروف وبذل الخير والدعوة إلى الله وتعليم العلم النافع قال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Puis il dit, le Cheikh Salah Al-Fawzan, hafizahullah, il dit, donc il a dit, donc l'ihsan, le fait de l'excellence, donc, il est d'une part entre le serviteur et son seigneur dans l'adoration que le serviteur voue à Allah seul sans rien lui associer. Et l'excellence, l'ihsan, c'est aussi entre les gens avec yani le fait de bien faire, c'est-à-dire en donnant des aumônes, en ordonnant le bien, interdisant le blâmable, en faisant du bien, d'accord ? En faisant du bien, en invitant les gens à Allah, en enseignant la science bénéfique, d'accord ? Allah le Très-Haut a dit, dans la traduction du sens du verset donc 195 de Sourate Al-Baqarah, « Et faites le bien car Allah aime les bienfaisants. » D'accord ? Wa ihsanu al-amal itqanuhu bi an yakuna ala as-sunnah wa laysa fihi bid'ah. Fa idha kana fi al-amal bid'ah fa innahu laysa min ihsan al-amal. Qala ta'ala: bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam: man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fa huwa radd. وقال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. Puis il dit, le Cheikh hafizahullah, il dit, et par faire donc les œuvres, donc avoir l'ihsan dans les œuvres, eh bien c'est les parfaire, d'accord, les faire le plus correctement possible, c'est-à-dire comment? Les parfaire, c'est faire en sorte que les œuvres soient en conformité avec la sunna. D'accord ? Donc l'ihsan dans les œuvres, c'est que ce soit sur la sunna et qu'il n'y a pas d'innovation. D'accord ? L'individu, il fait les œuvres, le musulman, il fait les œuvres en conformité avec la sunna et il ne fait pas d'innovation. D'accord ? Il ne fait pas d'innovation religieuse. Si l'œuvre contient des innovations, alors, eh bien, il n'y a pas du tout d'ihsan dans ces œuvres-là. D'accord ? Donc ça, pour les soufis qui n'arrêtent pas de dire l'ihsan, ihsan, ihsan, ils ne comprennent même pas ce que l'ihsan signifie, puisqu'ils sont noyés dans les innovations religieuses. D'accord ? Le shir ici dit, hafidhahullah, parfaire les œuvres, c'est... Donc avoir l'excellence, avoir l'ihsan dans les œuvres, c'est que les œuvres soient sur la sunna. Les œuvres que l'individu fait sont en conformité avec la sunna et qu'elles ne contiennent aucune innovation religieuse. Mais si les œuvres contiennent des innovations religieuses, alors il n'y a pas d'ihsan dans ces œuvres-là, il n'y a pas d'excellence dans ces œuvres-là. Allah le Très-Haut a dit, dans la traduction du sens du verset 112 de Sourate Al-Baqarah, mais quiconque soumet à Allah son être tout en faisant le bien. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Quiconque, donc ça c'est le hadith 5 qu'on avait déjà fait les explications, hein, le hadith 5 des 40 Nawawi, hein, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque fait une œuvre, d'accord, quiconque fait une œuvre qui ne provient pas de notre ordre, alors cette œuvre sera rejetée. D'accord ? Ce hadith est dans Sahih Muslim. Et dans les deux Sahih, Bukhari et Muslim, il y a aussi la version où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, ça c'est dans Bukhari et Muslim, c'est une autre version où est-ce qu'il avait dit quiconque invente dans notre ordre, ce qui n'en fait pas partie, alors sera rejeté. Mais ici, là, le Cheikh mentionne seulement la version de Sahih Muslim. Quiconque fait une œuvre qui ne provient pas de notre ordre, alors cette œuvre sera rejetée. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: et prenez garde aux choses nouvellement inventées, car toute chose nouvellement inventée est une innovation. D'accord, est une innovation, yani religieuse. فإحسان العمل إخلاصه لله عز وجل وموافقته للسنة ولهذا قال بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. Il dit le Cheikh حفظه الله, avoir l'ihsan dans les œuvres, c'est-à-dire l'excellence dans les œuvres, eh bien, c'est la sincérité exclusive à Allah, que cette œuvre-là est faite sincèrement, uniquement que pour Allah le Très-Haut, et en conformité avec la Sunna. Cela est l'ihsan dans les œuvres, d'accord ? C'est-à-dire l'excellence dans les œuvres. C'est pour cela que Allah le Très-Haut a dit, mais quiconque soumet à Allah son être tout en faisant le bien. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. Faqawluhu aslama wajhahu bittawhid wal ikhlas. Wa huwa muhsinun ay muttabi'un lirrasul sallallahu alayhi wa sallam wa lam yataqarrab ila Allah bil bid'a wal muhdathat. Et donc il dit le Cheikh Hafidhahullah, il dit, donc ce qu'Allah le Très-Haut a dit dans la traduction du sens, hein, de ce verset 112 de Surat al-Baqarah, mais quiconque soumet à Allah son être tout en faisant le bien. Donc, soumet à Allah son être, eh bien ça c'est par le pur monothéisme et la sincérité. Et tout en faisant le bien, tout en étant un bienfaisant, eh bien, c'est-à-dire quelqu'un qui suit l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui ne se rapproche pas d'Allah avec des innovations et des choses nouvellement inventées, des innovations religieuses et des choses nouvellement inventées. Wa fi hadha al-hadith al-ihsan an ta'bud Allah ka'annaka tarah. Et dans ce hadith, l'excellence, c'est que tu adores Allah comme si que tu le voyais. هذا هو الإحسان بين العبد وبين ربه. Cela est l'excellence, d'accord, entre le serviteur et son seigneur. أن تعبد الله موقنا به مؤمنا به تمام الإيمان حتى كأنك تراه ببصرك من شدة الإيمان. لأن الشيء الذي يرى لا يشك فيه. Donc il dit le Cheikh Hafidhahullah, dans ce hadith là l'excellence, que tu adores Allah comme si que tu le voyais, eh bien cela c'est l'excellence qui est entre le serviteur et son seigneur, que tu adores Allah en ayant la ferme conviction et certitude, d'accord, que cette adoration-là que tu voues, seul Allah la mérite, d'accord, que tu crois avec une croyance ferme, authentique, claire, celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de ses sahabes et de ceux qui les ont suivis à la perfection, d'accord. Donc que tu adores Allah en ayant la ferme conviction, d'accord, la claire certitude, ferme conviction, là en étant croyant en Allah, d'accord, tu crois en Allah avec la croyance totale, jusqu'à ce que, comme si que tu en arrivais à voir Allah, de par la force de la foi. Min shiddat al-iman, لأن الشيء الذي يرى لا يشك فيه, car la chose que l'on voit, on ne doute pas dessus. Donc, par la force de cette foi-là, d'accord, l'excellence-là, que tu adores Allah comme si que tu le voyais, eh bien, c'est cette excellence qui est entre le serviteur et son seigneur, Il adore Allah en ayant cette ferme conviction, cette croyance totale, ferme, d'accord, cette foi qui est forte, qui le mène à en arriver à en avoir cette croyance-là est forte et ferme, en ayant cette ferme, claire certitude, conviction, d'accord, que tu comprends déjà l'adoration que seul Allah Azza wa Jal la mérite, que seul lui mérite toute adoration. Donc tu as cette ferme conviction et certitude lorsque tu adores Allah le Très-Haut. Tu as la foi en Allah, mais la foi totale. D'accord ? Tamam al-iman hatta ka'annaka tarahu bi basarika. Comme si que tu le voyais avec tes yeux. Min shiddat al-iman, de par la force de la foi. لأن الشيء الذي يرى لا يشك فيه, car la chose que l'on voit, on ne doute pas dessus. فعندما ترى الجدار لا تشك فيه, car lorsque tu vois le mur, eh bien tu ne doutes pas dessus. أو ترى الباب لا تشك فيه أبدا, ou si tu vois une porte, eh bien tu ne vas pas douter que ça c'est une porte, d'accord? Lorsque tu vois un mur, tu ne vas pas douter que c'est un mur, et lorsque tu vois une porte, tu ne vas pas douter que c'est une porte. فالإحسان أن تعبد الله جل وعلا كأنك تشاهده بعينيك من قوة إيمانك ويقينك وإلا فإن الله لا يرى في هذه الدنيا لأن الخلق لا يستطيعون رؤية الله في هذه الدنيا وإنما يراه المؤمنون يوم القيامة في الجنة إذا أعطاهم الله قوة يستطيعون بها أن يروا ربهم. أما في الدنيا فلا أحد يرى الله معاينة إنما يراه بقلبه وإيمانه ويقينه كأنه يشاهده. Donc il dit le Cheikh Salih al-Fawzan حفظه الله تعالى. De par cette force là de la foi, d'accord, de par cette force là de la foi, de par cette ferme et claire conviction et certitude comme nous l'avons clarifié tout à l'heure, eh bien, de par cette force de la foi, c'est comme tu en arrives à comme si que tu voyais Allah de par tes yeux, de par cette force-là de la foi. Car lorsque on voit une chose ici, lorsqu'on voit une chose, eh bien, on ne doute pas dessus. Il dit le Cheikh, lorsqu'on voit un mur, eh bien, on ne va pas douter que c'est un mur. Lorsqu'on voit une porte, on ne va pas douter que c'est une porte. D'accord ? Eh bien, l'excellence, c'est que tu adores Allah le Très-Haut comme si que tu le voyais avec tes yeux de par la force de ta foi et de par ta ferme conviction et certitude. وَإِلَّا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُرَى فِي هَذِي الدُّنْيَا. Excepté que Allah le Très-Haut, eh bien, ne peut pas être vu dans ce bas monde. D'accord ? Car les créatures ne peuvent pas voir Allah dans ce bas monde. Mais les croyants pourront voir Allah le Très-Haut le jour de la résurrection au paradis. D'accord ? Si Allah leur a donné la puissance, ils peuvent, de par si Allah leur a donné la force, eh bien, ils peuvent, yani, voir, ils peuvent donc voir leur Seigneur. Mais dans ce bas monde, donc personne ne peut voir Allah le Très-Haut de par ses yeux, mais il le voit de par son cœur et sa foi et sa ferme conviction et certitude comme si que il le voyait. D'accord ? لهذا لما سأل موسى عليه السلام قال ربي أريني أنظر إليك. C'est pour cela que lorsque Moussa alayhi salam, donc là ici le Cheikh va mentionner, donc apporte la preuve que dans ce bas monde là, eh bien on ne peut pas voir Allah le Très-Haut. Lorsque Moussa alayhi salam demanda donc à Allah le Très-Haut, il dit: ô mon Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie. قال الله له, Allah le Très-Haut lui a donc dit: tu ne me verras pas. Donc ça c'est dans Sourate Al-A'raf, verset 143. C'est-à-dire, tu ne me verras pas, yani fi dunya, dans ce bas monde. لأن موسى عليه السلام لا يستطيع رؤية الله في هذه الدنيا. Car موسى عليه السلام ne peut pas voir Allah dans ce bas monde. ولا أحد يستطيع رؤية الله في هذه الدنيا لعظمته سبحانه وتعالى. Et personne dans ce bas monde ne peut voir Allah le Très-Haut de par sa grandeur et sa puissance. لأنه احتجب عن عباده بالنور. Car Allah le Très-Haut donc a donc voilé cela, ses serviteurs, par la lumière. Comme dans le hadith, حجابه النور. Comme dans le hadith qui est rapporté par Muslim dans son Sahih, du hadith de Abi Musa radiallahu anhu, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a mentionné donc que, eh bien, que Allah, le voile qu'Allah le Très-Haut a mis, pour qu'il n'ait pas vu, eh bien, est de lumière. فلا أحد يرى الله في هذه الدنيا. Donc personne ne peut voir Allah dans ce bas monde. وإنما دلت الأدلة في الكتاب والسنة على أن المؤمنين يكرمهم الله يوم القيامة. فكما أنهم عبدوه في هذه الدنيا من غير رؤية له وإنما آمنوا به فإن الله يقر عيونهم بأن يتجلى لهم ويرونه عيانا بأبصارهم سبحانه وتعالى. أما الكفار لما لم يؤمنوا بالله في هذه الدنيا فإن الله يحجبهم عن رؤيته يوم القيامة. قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. Donc le cheikh Hafidhullah dit personne donc ne peut voir Allah le Très-Haut dans ce bas monde, mais les preuves dans le livre d'Allah et la sunna de son envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a des preuves donc claires sur le fait que les croyants, eh bien, Allah le Très-Haut les honorera le jour de la résurrection, comme ils ont adoré Allah le Très-Haut dans ce bas monde sans avoir pu voir Allah, eh bien, mais malgré cela qu'ils n'ont pas vu Allah et ils adoraient Allah, mais ils ont cru en lui et ils l'adoraient, eh bien Allah leur donnera, d'accord, ce bien, cet honneur-là, eh bien, de se montrer aux croyants, donc, les croyants donc le verront le jour de la résurrection en les voyant, donc les croyants vont voir Allah Azza wa Jal avec leurs propres yeux, d'accord ? Ils vont voir Allah le Très-Haut le jour de la résurrection. Les croyants donc vont voir Allah le Très-Haut. Ils n'ont pas vu Allah le Très-Haut dans ce bas monde, mais ils ont cru en lui, ils ont eu la foi en Allah et ils l'ont adoré. Et ils sont morts en tant que croyants, et bien Allah Azza wa Jal les honorera, les récompensera en il se montrera aux croyants, donc le jour de la résurrection. Mais les mécréants, par le fait qu'ils n'ont pas cru en Allah dans ce bas monde, et que, eh bien, Allah les voilera, il les empêchera de le voir le jour de la résurrection. Allah le Très-Haut a dit, dans la traduction du sens du verset 15 de Sourate Al-Mutaffifin, en vérité, ce jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. Ça, c'est concernant les kuffars, les mécréants. فَإِذَا كَانَ الْكُفَّارُ يُحْجَبُونَ عَنِ اللَّهِ فِي الْآخِرَةِ فَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَرَوْنَ رَبَّهُمْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَمَا تَوَاتَرَتْ بِهَذَا الْأَدِلَّةِ. Il dit, le cheikh, hafidhahullah, il dit, eh bien, comme les mécréants auront un voile qui les empêchera de voir Allah le Très-Haut, dans l'au-delà, eh bien les croyants verront leur Seigneur, verront Allah le Très-Haut, comme cela est montré dans de très nombreuses preuves. فَقَوْلُهُ, la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, كَأَنَّكَ تَرَاهُ, Donc, c'est-à-dire que tu adores Allah comme si que tu le voyais. Cela est une preuve. Cela est une preuve. Vous voyez la partie du hadith. Comme si que tu le voyais. Cela est une preuve qu'Allah, le Très-Haut, ne peut pas être vu avec les yeux dans ce bas monde. وإنما يرى في القلب واليقين والإيمان الذي لا يخالطه شك وهذه أعلى المراتب. Donc Allah ne peut pas être vu avec les yeux dans ce bas monde, mais il peut être vu avec le cœur, d'accord, avec le cœur, avec la certitude, avec la foi qui n'est pas mélangée avec du doute, d'accord, et cela est le plus haut des niveaux. وبعدها مرتبة قال قال فيها صلى الله عليه وسلم. Donc après, donc ce niveau là, donc le fait que tu adores Allah comme si que tu le voyais, donc ça c'est le plus haut des niveaux, d'accord, que le musulman le voit, d'accord, avec son cœur, avec sa certitude, avec sa foi et croyance correcte, d'accord, ça c'est le plus haut des niveaux. Donc après ce niveau là eh bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ. Mais si tu ne peux pas le voir, يعني لَمْ تَسِلِ إِلَى هَذِهِ الدَّرَجَ مِنَ الْيَقِينِ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. C'est-à-dire que si tu ne le vois pas, c'est-à-dire que tu n'as pas atteint ce niveau-là de certitude, d'accord, le fait que tu ne peux pas le voir avec le cœur, avec ta foi, eh bien, le niveau qui est en dessous, c'est fa innahu yarak, eh bien c'est que tu sais que Allah le Très-Haut te voit. Ay tu'minu bittila'i Allahi 'alayka, c'est-à-dire que tu crois que Allah azza wa jalla sait ce que tu fais, c'est parfaitement ce que tu fais. Wa hadhihi aqallu min al-ula, et cela est un niveau plus bas que ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire que tu adores Allah comme si que tu le voyais. D'accord ? Le niveau qui est en dessous de ça, c'est le fait que si tu ne peux pas le voir, voyez, eh bien, sache que lui te voit, Allah te voit. D'accord ? C'est-à-dire que tu crois que tu as cette ferme conviction-là, tu sais que Allah Azza wa Jal sait parfaitement ce que tu fais. D'accord ? Et donc ça, c'est moindre que ce qu'on a vu précédemment. Mais c'est également un niveau qui est élevé. لَكِنَّهَا دَرَجَةٌ عَالِيَةٌ فَتَعْبُدُهُ مُؤْمِنًا بِأَنَّهُ يَطَّلِعُ عَلَيْكَ. C'est-à-dire que tu adores Allah tout en ayant cette croyance et cette foi ferme que tu sais que Allah Azza wa Jal sait parfaitement ce que tu fais. ويراك في جميع تصرفاتك, et qu'Allah عز وجل te voit dans tout ce que tu fais. فإنه يراك, dans le hadith, eh bien sache que lui il te voit, qu'Allah te voit. يعني اعتقد بقلبك واستحضر أن الله يراك ويطلع عليك. C'est-à-dire que tu crois avec, tu as cette croyance là dans ton cœur, que tu as constamment cette croyance là. D'accord ? À chaque fois que tu fais, eh bien tu sais que Allah Azza wa Jal te voit et sait parfaitement ce que tu fais. Wa hadhihi martabatun 'azima wa la shak. Et cela c'est un niveau qui est énorme sans aucun doute. Wa hiya tusamma martabatul muraqaba. Et c'est le niveau de la muraqaba, c'est-à-dire que tu as cette croyance ferme. Constamment, tu sais qu'Allah Azza wa Jal t'observe parfaitement. Tu sais qu'Allah Azza wa Jal sait parfaitement ce que tu fais. D'accord ? Tu adores Allah Azza wa Jal, tu sais qu'Allah Azza wa Jal t'observe et tu sais qu'Allah Azza wa Jal sait parfaitement ce que tu fais. D'accord ? Ça, c'est le niveau de la muraqaba. D'accord ? Tu sais qu'Allah Azza wa Jal est t'observe, quoi, constamment. T'observe constamment. مراقبة الله جل وعلا. Allah t'observe constamment. ولكنها أقل من الأولى. Mais ce niveau-là, malgré qu'il est immense, d'accord, mais il est moindre que le fait que tu vois Allah de par ton cœur. C'est-à-dire que tu adores Allah comme si que tu le voyais. D'accord ? Avec ton cœur et ta croyance ferme claire, pure, d'accord, ta foi complète. Ce niveau-là qui est le plus haut, le niveau qui est moindre, c'est darajatul muraqaba, c'est le niveau de la muraqaba, c'est-à-dire que comme si tu ne peux pas atteindre ce niveau-là, que tu adores Allah comme si tu le voyais, eh bien le niveau moindre, c'est que lorsque tu adores Allah, tu sais qu'Allah azzawajal t'observe parfaitement tout ce que tu fais. فَالْإِحْسَانِ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ رَبِّهِ. Donc l'excellence est entre le serviteur et son Seigneur. هُوَ مَا بَيَّنَهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ. C'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a donc clarifié dans ce hadith. أَنَّ الْمُؤْمِنْ يَعْبُدَ اللَّهُ عَلَى الْيَقِينِ وَالْإِيمَانِ إِمَّا الْيَقِينَ الَّذِي يَجْعَلُ الْعَبْدِ كَأَنَّهُ يَرَى اللَّهُ أو اليقين الذي يستحضر به العبد أن الله مطلع عليه ومشاهد لأعماله فلا ينحرف عن طاعته وإذا انحرف أو اخطأ فإنه يتوب إلى الله لأنه يعلم أن الله يغفر الذنوب ولا يقنط من رحمة الله عز وجل فالإنسان ليس معصوما ولكن إذا حصل منه مخالفة فإنه يبادر بالتوبة إلى الله ويعلم أن الله يتوب على من تاب ولا يأخذه القنوط واليأس من رحمة الله ولا يتلاعب به الشيطان حتى ييأس من رحمة الله هذا هو الإحسان. Donc cela c'est l'ihsan, c'est ce qu'explique le Cheikh Salih al-Fawzan حفظه الله تعالى en disant: voilà comment l'a clarifié l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, c'est que le croyant adore Allah avec certitude, avec foi, avec la certitude qui le mène à adorer Allah comme s'il le voyait, ou bien la certitude qui mène donc le serviteur à avoir cette constante, yani cette constante, le fait qu'il pense constamment que Allah Azza wa Jal l'observe constamment, sait parfaitement tout ce qu'il fait et sait toutes les œuvres que ce serviteur fait. Donc cela va le mener à ne pas désobéir à Allah parce qu'il sait constamment qu'Allah Azza wa Jal l'observe, ou bien le plus haut niveau, il adore Allah comme s'il le voyait. D'accord ? Eh bien, cela donc ne va pas le mener à désobéir à Allah. Et si ce serviteur-là a fait des erreurs, s'il a fait des erreurs, eh bien, il se repent à Allah le Très-Haut. D'accord ? Car il sait que Allah le Très-Haut pardonne les péchés. Et il ne désespère pas de la miséricorde d'Allah le Très-Haut. Car l'individu n'est pas exempté des erreurs et des fautes. Mais s'il lui arrive de faire des erreurs et des fautes, des péchés, eh bien, il se précipite à se repentir à Allah le Très-Haut. Et il sait que Allah le Très-Haut accepte le repentir de celui qui s'est repenti. Et ce serviteur-là, eh bien, n'est pas pris par le désespoir de la miséricorde. Il ne va pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Et il n'est pas déjoué par le diable qui va le mener à. Il ne va pas se mettre à suivre le diable ou à écouter les insufflations du diable, du shaitan, d'accord, qui le mènerait à désespérer de la miséricorde d'Allah. Eh bien, cela, c'est l'ihsan, c'est l'excellence. فدل هذا الحديث على أن الدين يتفاضل وأن بعضه أعظم من بعض. فأول مراتبه هي الإسلام وهو الانقياد لله عز وجل وهو على قسمين. Donc, le Cheikh حفظه الله dit, donc ce hadith prouve que la religion a donc différents niveaux. Donc la religion donc a différents niveaux. Certains sont meilleurs que d'autres. Et le premier niveau, c'est l'islam. C'est-à-dire la soumission à Allah, la soumission et l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Et il est de deux catégories. Al-qism al-awwal, la première catégorie, islamun ma'ahu iman. L'islam qui est avec lui la foi. L'islam qui est avec la foi. Sawa'an kana qalilan aw kathiran. Que ce soit une foi qui est peu ou grande. وهذا إسلام المؤمنين وهو الإسلام الصحيح الذي يثاب عليه وهو الإسلام الذي معه إيمان يصححه ولو كان قليلا. Et donc l'islam qui est avec la foi, qui en a يعني peu ou bien beaucoup, et bien ça c'est l'islam des croyants. C'est l'islam des croyants. C'est l'islam qui est correct, pour lequel donc le croyant est récompensé. Et c'est l'islam, wa huwa al-islam alladhi ma'ahu iman yusahhahu wa law kana qalilan. C'est l'islam pour lequel il y a la foi qui le corrige, même s'il est peu. Même s'il y a, yani, et il y a peu en termes de foi. ولهذا قال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. C'est pour ça qu'Allah le Très-Haut a dit, donc dans le verset 14 de Sourate Al-Hujurat, les Bédouins ont dit, dans la traduction du sens, les Bédouins ont dit, nous avons la foi. Dis, vous n'avez pas encore la foi, dites plutôt, nous sommes simplement soumis, car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Donc là, on va bien comprendre les explications de Cheikh ici, concernant ce verset-là. Il dit le Cheikh, Hafidhahullah. Donc je relis, concernant la traduction du sens, les Bédouins ont dit, nous avons la foi. Dit, vous n'avez pas encore la foi, dites plutôt, nous sommes simplement soumis, car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Donc il dit le Cheikh Salah al-Fawzan, hafidhahullah. ليس معنى هذا أن هؤلاء الأعراب منافقون. Cela ne signifie pas que ces bédouins-là sont des hypocrites. لكن معناه أنهم لم يتكامل عندهم الإيمان. Mais le sens, c'est que ils n'ont pas la foi complète. Ils n'ont pas la foi complète. وهم ادعوا منزلة لم يصلوا إليها حينما قالوا آمنا. Mais eux, en fait, ils ont prétendu avoir un niveau qu'ils n'ont pas atteint lorsqu'ils ont dit « nous avons cru ». فَلَوْ قَالُوا أَسْلَمْنَا. Mais s'ils avaient dit « nous sommes soumis », لَكَانَ هَذَا هُوَ التَّعْبِيرِ السَّلِيمِ. Cela aurait été la meilleure expression. وَلِهَذَا قَالَ اللَّهُ. C'est pour cela qu'Allah le Très-Haut a dit « وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا. Mais dites nous sommes soumis. ثم قال ولما يدخل الايمان في قلوبكم. Puis Allah le Très-Haut a dit, car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. D'accord? Ensuite, il dit le cheikh ici, لما, vous savez, lorsqu'on lit en arabe dans le verset, لما للمستقبل, c'est pour le futur. الذي ليس موجودا الآن ولكنه سيوجد. لما ici, c'est pour le futur, c'est ce qui n'est pas présent actuellement, d'accord, mais sera présent. فالله بشرهم بأن الإيمان سيدخل في قلوبهم في المستقبل. Vous voyez l'importance ici de la langue arabe. لما ici, ce n'est pas une négation comme va le préciser le cheikh par la suite. C'est pas ils ont pas la foi. D'accord? C'est au moment lorsqu'ils ont dit cela, eh bien, ils n'ont pas encore atteint ce niveau-là. D'accord? Donc, l'amma, c'est pour le futur. C'est ce qui n'est pas présent actuellement, mais c'est ce qui sera présent. C'est pour cela que dit le Cheikh, Hafidhahullah, il dit, Allah le Très-Haut leur a donc annoncé, hein, فَاللَّهُ بَشَّرَهُمْ بِأَنَّ الْإِيمَانِ سَيَدْخُلُوا فِي قُلُوبِهِمْ فِي الْمُسْتَقْبِلِ. Voilà comment on doit comprendre l'amma, d'accord? C'est qu'Allah le Très-Haut leur a annoncé que la foi sera présente dans leur cœur dans le futur. وَيَقْوَى إِيمَانُهُمْ شَيْئًا بَعْدَ شَيْئًا. Et que leur foi donc va se fortifier au fur et à mesure. وَلَكِنَّهُمْ اسْتَعْجَلُوا وَقَالُوا. Mais ils se sont précipités et ont dit, nous avons la foi. Amenna. D'accord ? فَهُمْ ادَّعُوا مَنْزِلَةً لَمْ يَصَلُوا إِلَيْهَا. Ils ont donc prétendu un niveau qu'ils n'ont pas atteint. فَلِذَلِكَ أَنْكَرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَبَيَّنَ اللَّائِقَ بِهِمْ. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a dénigré leurs paroles et leur a clarifié ce qui leur correspond le mieux. وَأَنَّ الْإِنسَانَ لَا يُكَمَّلُ نَفْسَهُ وَيَدَّعِ شَيْئًا لَمْ يَسِلِ إِلَيْهِ. Car l'individu qui n'a pas complété sa personne, yani n'a pas complété yani sa personne en termes de foi, eh bien, il ne peut pas prétendre une chose pour laquelle il n'a pas atteint. قَالَ وَلَكِنْ قُولُ أَسْلَمْنَا. Mais Allah le Très-Haut a dit, toujours dans ce verset 1.14 de Surat al-Hujurat, hein, dites plutôt, nous sommes simplement soumis. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانِ فِي قُلُوبِكُمْ. Car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. D'accord ? On a bien compris ici, une faïda ici concernant لَمَّا, qui indique que ce n'est pas présent au moment où ils ont prétendu avoir la foi, mais cela sera présent dans le futur. D'accord ? لَمْ يَقُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا بَلْ قَالَ وَلَمَّا. Allah le Très-Haut n'a pas dit « Vous ne croyez pas ». Il n'aura pas dit cela. Mais il a dit « وَلَمَّا ». D'accord ? Il a dit « وَلَمَّا ». Ce que on vient d'expliquer. وَفَرْقٌ بَيْنَ لَمَّا وَبَيْنَ لَمْ. Il y a une différence ici entre « لَمَّا » et « لَمْ ». C'est-à-dire que « لَمْ » ici, c'est « n'est pas ». D'accord ? Tandis que « لَمَّا » ici correspond à une chose qui n'est pas actuellement, mais qui sera présente. Allah l'aura annoncé la bonne nouvelle de la présence de la foi dans le futur, qui va se fortifier au fur et à mesure. D'accord ? Donc Allah le Très-Haut n'a pas dit « Vous n'avez pas cru, yani vous n'avez pas la foi ». Il n'aura pas dit que vous n'avez pas la foi, il n'aura pas fait cette négation-là. Il y a donc une différence entre « لَمَّا » et « لَمْ ». « لَمْ » لِلنَّفْئِ الْمُطْلَقِ. « لَمْ » ici, c'est pour la négation totale. « أَمَّا لَمَّا فَهِيَ لِلنَّفْئِ الْمُؤَقَّتِ. Tandis que « لَمَّا » c'est pour la négation qui est temporaire. D'accord ? Pour le moment, mais dans le futur, vous allez avoir. D'accord ? Et ici, il y a une faïda. Et ici, il y a une faïda. Donc, des explications de Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad, Hafidhahullah Ta'ala. Dans cette faïda-là, on peut comprendre, en fait, ce qu'on dit lorsque on dit « Je suis croyant, Inch'Allah ». Donc là, il va clarifier cela, le Cheikh. C'est une petite faïda qui est énorme et très importante, Inch'Allah, pour bien différencier cela. Donc il dit, le Cheikh, « Faïda qila l'arrajul ». Anta mu'min, s'il est dit à un homme, donc Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad, hafidhahullah, qui dit, s'il est dit à un homme, es-tu un mu'min, es-tu un croyant, et qu'il réponde, qala, insha'Allah, ou arju. Si un homme dit à un autre, es-tu un mu'min, es-tu un croyant, et que l'autre réponde, insha'Allah, si Allah le veut, ou bien arju, ou bien je le souhaite, لأن في ذكر الإيمان بدون استثناء تزكية للنفس. Car ici, ce qui est mentionné ici, c'est pas la foi, c'est-à-dire est-ce que tu crois en Allah au jour dernier, d'accord ? C'est le niveau, D'accord? C'est le niveau qui est le niveau de foi. As-tu la foi? Yani, es-tu un croyant? Il y répond, Inch'Allah, ou bien je le souhaite. D'accord? C'est pas il a la foi pour se prétendre. D'accord? Avoir une prétention qu'il a la foi. ومن جاء عنه من أهل السنة ترك الاستثناء في الإيمان فإن مقصوده أصل الإيمان الذي هو الإسلام وليس التزكية. Tandis que concernant, parce qu'il dit le cheikh, في هذا يهد درجات فإنه يستثنى في الإيمان عند أهل السنة فإذا قيل للرجل أنت مؤمن قال إن شاء الله أو أرجو. D'accord? Donc, chez les gens de la sunna et du consensus, lorsque c'est mentionné, eh bien, la foi, es-tu un croyant? Et qu'ils répondent, Inch'Allah, ou bien, je le souhaite. D'accord? Ça, c'est concernant, d'accord? Ça, c'est concernant, est-ce que tu prétends avoir ce niveau-là. D'accord? Tandis que, également chez les gens de la sunna et du consensus, lorsque on mentionne la foi, c'est-à-dire les fondements de la foi, d'accord? Qui sont donc l'islam dans sa totalité, d'accord? Eh bien, ce n'est pas ici, eh bien, avoir une prétention. D'accord? Ce n'est pas ici avoir une prétention. D'accord? On ferme la parenthèse sur le point du Cheikh Abdel Mohsen Abed, Havidullah. Donc ensuite, il dit, le Cheikh Salah Al-Fawzan, Havidullah, Ikhbirni an al-sa'a, informe-moi sur l'heure. Il a akhir al-hadith, jusqu'à la fin du hadith. Lama kana min jumlati arkan al-iman, al-iman bil yawm al-akhir, wa huwa yabda'u bi qiyam al-sa'a wa nihayat al-dunya, fa qiyam al-sa'a huwa nihayat al-dunya. وبداية الآخرة فهو الأجل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى لهذه الحياة ينتهي ثم تقوم القيامة والإيمان بذلك ركن من أركان الإيمان فمن شك في قيام الساعة أو تردد أو جحد قيام الساعة فإنه كافر قال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Donc il dit le Cheikh Hafidhahullah. Donc ensuite dans le hadith, Jibril alayhi salam questionne le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui demandant, lui posant la question sur informe-moi sur l'heure. D'accord? Informe-moi sur l'heure, quand est-ce qu'elle arrivera? Donc jusqu'à la fin du hadith. Donc ce qui faisait partie donc des piliers de la foi, il y a la foi au jour dernier. La foi au jour dernier. Il commence avec l'arrivée de l'heure. Il commence avec l'arrivée de l'heure. D'accord? Et la fin de ce bas monde. D'accord? L'arrivée de l'heure, la fin de ce bas monde. Car l'arrivée de l'heure, eh bien, c'est la fin de ce bas monde. Et c'est le début de l'au-delà. فَهُوَ الْأَجَلُ الَّذِي ضَرَبَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِهَذِهِ الْحَيَاتِ. Ça, c'est le temps, d'accord? Donc, informe-moi sur l'heure. Donc, l'heure, eh bien, c'est le temps qu'Allah le Très-Haut a donné. C'est le temps qu'Allah Azza wa Jalla a donné à ce bas monde. Il termine, puis arrive donc le jour de la résurrection. Et la foi en cela est un des piliers donc de la foi. Quiconque doute sur l'arrivée de l'heure, ou bien yani doute, ou bien il doute, ou bien il dénigre l'arrivée de l'heure, eh bien c'est un mécréant. Allah le Très-Haut a dit dans La traduction du sens du verset 7 de Sourate At-Taghabun, ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités. Dis, mais si par mon Seigneur, vous serez très certainement ressuscités, puis vous serez certes informés de ce que vous faisiez, et cela est facile pour Allah. ولا يكفي أن الإنسان يؤمن باليوم الآخر. Ce n'est pas suffisant que l'individu croit au jour dernier. بل لابد أن يعمل لليوم الآخر. Mais il est indispensable qu'il œuvre pour le jour dernier. فيعمل الصالحات ويتوب من السيئات. Eh bien, il fait les bonnes œuvres et se repent des péchés qu'il a commis. ويستعد لهذا اليوم. Il se prépare pour ce jour-là, pour le jour dernier. هذا هو المقصود, c'est cela qui est voulu. أما مجرد الإيمان باليوم الآخر ولا يستعد ولا يعمل له فإنه لا يستفيد من هذا الإيمان. Mais le simple fait de dire qu'il croit sans se préparer, hein, il croit au jour dernier, d'accord, sans se préparer, sans œuvrer, d'accord, eh bien cela, cette fois-là ne lui sera pas bénéfique. وقيام الساعة وتوقيته لا يعلمه إلا الله. L'arrivée de l'heure et son temps précis, seul Allah le Très-Haut le sait. استأثر الله بعلمه فلم يخبر به الملائكة. Allah عز وجل donc ne l'a pas informé, d'accord, ne l'a pas informé, donc Allah عز وجل l'a caché et ne l'a pas informé aux anges. ولم يخبر به الرسل, et n'a pas informé les envoyés. بل إن الله جل وعلا أخفى علمه عن الخلق. Mais Allah le Très-Haut a caché donc la connaissance de l'heure, donc il l'a caché aux créatures. لأنه ليس للناس مصلحة في معرفة متى تقوم الساعة. Car il n'y a aucun bénéfice aux gens de savoir quand l'heure arrivera. إنما المصلحة في الإيمان بقيامها والاستعداد لها. Mais le bénéfice est d'avoir la foi que l'heure arrivera et de s'y préparer. هذا هو المقصود. C'est cela qui est voulu. وأما وقت قيام الساعة فهذا إلى الله جل وعلا. Mais l'heure, يعني l'arrivée, le temps précis de l'arrivée de l'heure, eh bien c'est Allah عز وجل que seul lui connaît cela. قد جاء في القرآن في آيات كثيرة بيان أنه لا يعلم وقت قيام الساعة إلا الله. Eh bien, il y a de nombreux versets, donc de nombreux versets dans le Coran qui montrent que seul Allah le Très-Haut connaît l'arrivée de l'heure. قال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. Dans sourate Al-A'raf, le verset 187, dans la traduction du sens, il t'interroge sur l'heure. Quand arrivera-t-elle ? Dis, seul mon Seigneur en a connaissance, lui seul la manifestera en son temps. وقال الله لتخوى دي يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Dans sourate النازعات, versets 42 à 46, la traduction du sens, il t'interroge au sujet de l'heure. Quand va-t-elle jeter l'ancre ? Quelle science en as-tu pour le leur dire ? Son terme n'est connu que de ton Seigneur. Tu n'es que l'avertisseur de celui qui la redoute. Le jour où ils la verront, il leur semblera n'avoir demeuré qu'un soir ou un matin. Et dans Sourate Luqman, verset 34, Qala إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. La traduction du sens du verset 34 de sourate Luqman, la connaissance de l'heure est auprès d'Allah et c'est lui qui fait tomber la pluie salvatrice et il sait ce qu'il y a dans les matrices. Et personne ne sait ce qu'il acquerra demain. Et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Certes, Allah est omniscient et parfaitement connaisseur. Donc, la connaissance de l'heure, eh bien, seul Allah Azza wa Jal la connaît. ولا يجوز لأحد أن يقول إن الساعة تقوم في وقت كذا ويعتمد على حساب على حسابات وعلى خرافات وعلى أوهام. Et donc il n'est pas permis à un individu de dire eh bien l'heure arrivera à tel temps en se basant sur des calculs ou sur des fausses histoires, sur des histoires comme ça là. Ou bien sur des hallucinations, yani, comme yaf'aluhu ba'd al-mudajjalin, comme certains menteurs là, d'accord, eh bien le font, ou al-mutanatti'in, donc des égarés, des menteurs, yani, des individus qui sont stupides, ils se mettent à soi-disant prétendre qu'ils peuvent connaître l'heure, ou bien ça va être la fin du monde, comme on entendait quelque temps là dans les infos, des gens se préparaient. Et aller acheter plein de nourriture, et puis ils avaient des bunkers sous terre parce que ça va être la fin du monde, etc. Et aller, ce sont des menteurs tous ces individus-là, car seul Allah le Très-Haut connaît quand l'heure arrivera. فَهَذَا مِنَ التَّكَلُّفِ الَّذِي مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهِ مِنْ سُلْطَانِ. Cela, prétendre connaître l'heure, et aller, qu'un individu prétend qu'il connaît l'heure, eh bien c'est qu'il s'impose à lui-même une charge dont il ne peut pas supporter. D'accord ? Et dont Allah Azza wa Jal n'a fait descendre aucune preuve sur cela. Puisque les preuves qui sont présentes, c'est que seul Allah Azza wa Jal a clarifié que seul lui connaît l'heure. Même le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est la meilleure des créatures, ne connaît même pas quand l'heure arrivera. D'accord ? وَمَنْ يَفْعَلْ هَذَا فَهُوَ كَذَّاب. Quiconque prétend connaître l'heure parmi les créatures, eh bien c'est un menteur. لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنَ أَنَّ اللَّهِ يَحْجُبُ عِلْمَ قِيَامِ السَّاعَ وَيَأْتِ أَحَدٌ يَعْرِفُهُ أَبَدًا. Donc il dit le sheikh, celui donc qui prétend connaître quand l'heure arrivera, c'est un menteur. Car ce n'est pas possible que Allah, Azza wa Jal, eh bien cache la connaissance de l'heure et qu'un individu prétendent qu'ils la connaissent. Ce n'est pas du tout possible. D'accord ? Et cela ne fait pas partie de la sagesse de demander quand est-ce que sera l'heure. Mais il est de la sagesse de demander sur ce que tu œuvres, sur comment tu te prépares pour ce jour-là. C'est voilà ce qui t'est bénéfique. وَلِهَذَا لَمَّا قَالَ جِبْرِيلِ لِلنَّبِي صلى الله عليه وسلم. C'est pour cela que lorsque Jibril demanda au prophète صلى الله عليه وسلم اخبرني عن الساعة, informe-moi sur l'heure. قال صلى الله عليه وسلم مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. Alors le prophète صلى الله عليه وسلم répondit le questionné n'est pas plus savant que le questionneur concernant l'heure. C'est-à-dire que toi et moi, nous sommes égaux. Nous tous, nous ne connaissons pas quand l'heure arrivera. فَإِذَا كَانَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَهُوَ سَيِّدُ الْمَلَائِكَ وَمُحَمَّدْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَهُوَ سَيِّدُ وَلَدِ آدَمُ لَا يَعْلَمَانِ وَقْتَ قِيَامِ السَّاعَ فَكَيْفَ يَأْتِ مَنْ يَدَّعِ هَذَا. Il dit, si Jibril, alayhi salam, qui est donc le maître des anges, et que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qui est le maître des enfants d'Adam, si eux ne connaissent pas quand l'heure arrivera, quiconque après eux peut-il donc prétendre connaître l'heure ? فَهَذَا فِيهِ أَنَّ عِلْمَ أَوْ تَوْقِيتْ قِيَامِ السَّاعَ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Cela donc prouve dans ce hadith que l'heure ou le temps, donc de l'arrivée de l'heure, seul Allah le Très-Haut connaît cela. Mal mas'oul anha, c'est-à-dire ni le questionné. Wa huwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est questionné. Bi'a'lam min as-sa'il, n'est pas plus connaisseur que le questionneur. Wa huwa Jibril, c'est Jibril le questionneur. Ay kulluna sawa' la na'rifu hadha, c'est-à-dire nous tous sommes égaux, nous ne connaissons pas quand nous sommes égaux concernant yani le fait que nous ne connaissons pas quand l'heure arrivera. Wa hadha tasdiq lil Qur'an fi anna 'ilm as-sa'a ila Allah jalla wa ala, et cela donc est en conformité et le fait de yani et la vérité du Coran est en conformité avec le Coran que yani seul Allah le Très-Haut la connaissance de quand l'heure arrivera, seul Allah le Très-Haut la connaît. Wa fi hadha anna man su'ila 'an shay'in la ya'lamuhu fa innahu yarudduhu ila Allah wa la yatakharrasu fihi. Et cela montre également que lorsqu'on est questionné sur une chose et dont on ne connaît pas la réponse, eh bien, on retourne cela à Allah le Très-Haut. On dit Allah est le plus savant. Yani. D'accord ? Et on ne commence pas donc à. Et on commence pas donc à essayer de donner une réponse pour le fait de donner une réponse. Donc on va s'arrêter sur ce point-là, Inch'Allah, et on continuera bi'idhnillah la semaine prochaine. جزاكم الله خيرا pour votre écoute et votre patience. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.